Vous écoutez CKRL 89.1 et Futur Simple va se terminer en vous proposant d'allier la science et une pinte de bière. Quand on mélange les deux, ça donne pinte de science. Et qu'est-ce que c'est, pinte de science? Eh bien, on en parle avec Carole Bastianelli qui co-organise cet événement. Bonjour Carole. Bonjour Valérie. Alors Carole, explique-nous le concept de pinte de science. On met la science dans une pinte? Oui, on pourrait dire ça comme ça. En fait, le jeu de mots est assez bien trouvé. Une pinte, c'est un petit volume de bière. Nous, on propose de donner un petit volume de science au grand public dans un cadre convivial, en fait, puisqu'on allie la vulgarisation scientifique et des petites conférences dans le cadre d'un bar où tout le monde serait réuni pour échanger sur la science et où les intervenants vont faire des présentations accessibles au public non connaisseur des sujets qui sont présentés. Et comment ça se passe? Donc les chercheurs vont dans un bar et puis là ils font leur présentation et puis ils s'en vont, ou au contraire le fait qu'on est dans un bar, bah on fait chin-chin aussi en même temps avec les chercheurs? Voilà, ouais. Alors le but c'est vraiment de faire ça de façon beaucoup plus conviviale et moins collégiale que ce qu'on a l'habitude de voir quand il y a des conférences, mais c'est vraiment assez organisé. On va avoir deux intervenants par soir sur différents thèmes que je pourrais détailler après. Oui. Et les chercheurs, en fait, sont très enthousiastes à l'idée de partager leurs recherches et ils sont là pour pouvoir aussi profiter du cadre convivial du bar, pour pouvoir partager et échanger avec le public, pour pouvoir expliquer différemment que ce qu'ils font d'habitude leurs résultats des recherches actuelles. Puis donc, ils expliquent, ils font une sorte de conférence, mais après il y a un échange. C'est ça, exactement. Ils sont là pour répondre à toutes les questions que le public peut avoir dans un premier temps sur la présentation, mais ils vont pas venir puis repartir directement après. C'est vraiment une soirée, enfin 2 heures qui sont dédiées à la recherche et les questions peuvent tout à fait porter sur des sujets plus généraux, sur le métier de chercheur, pourquoi pas. Voilà. Ouais, oui. C'est une occasion d'avoir en face de soi des vrais chercheurs scientifiques accessibles. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, donc pas dans un cadre où généralement le chercheur fait sa conférence en haut sur une estrade ou alors en bas dans l'amphithéâtre et puis bon, tout le monde se tait autour. Donc là, bon, on va se taire, les gens vont se taire, ils vont écouter, mais après, ils vont avoir le droit de poser leurs questions finalement. Voilà, exactement. Ça. Puis ça a été un peu compliqué de trouver un bar qui se prête à l'événement. On a une disposition du bar qui permette à la fois aux chercheurs d'être visibles, mais qui ne fasse pas trop collégial, comme je l'ai dit. Et finalement, les deux bars qu'on a trouvés, ce sera le Cercle et la Ninkasi à Québec, donc deux bars très populaires, où le chercheur pourra avoir une visibilité de tout le bar et tout le bar du chercheur, tout en restant assez à proximité. Proche des gens, voilà. Pour favoriser le dialogue. Exactement. D'accord. Puis comme ils ne seront pas en blouse blanche, et ben, ils seront habillés comme tout le monde. Non, donc, a priori, ils ne vont pas venir en blouse blanche, c'est réservé. Laboratoire. D'accord. Alors, bon, ça va se passer à la Ninkasi et au Cercle. Exactement. Quand ça? Alors, ça sera le 23, 24 et 25 mai, donc c'est dès lundi prochain. Ouais. On a deux thèmes qui vont être développés dans le cadre de ce festival. En fait, c'est un festival international qui développe 9 thèmes tout autour du monde. Puis nous, on en a choisi 2 parmi ces 9. On va traiter du thème de la planète Terre et de l'environnement. Ça, ce sera à la Ninkasi les 3 soirs. Et puis du thème des neurosciences, ou qu'on appelle les merveilles de l'esprit, qui sera au Cercle. Voilà. D'accord. Et puis chaque soir, on a 2 intervenants différents sur un sous-thème. Et là, les sous-thèmes sont extrêmement variés. Ça va de la stimulation du cerveau pour guérir l'absence de mouvement, à la recherche en écologie sur les abeilles, en passant par les menaces sur les forêts, ou par... comment on peut comprendre le cerveau par des approches innovantes comme la méditation. Et est-ce que les chercheurs se sont facilement prêtés à ce jeu d'aller finalement s'asseoir avec les gens dans un bar pour échanger avec eux? Alors, là, c'est la première édition à Québec, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais ça se passe déjà très très bien en Europe. Et donc, c'est étendu à tous les autres pays. En général, oui, les chercheurs se prêtent bien au jeu. Après, là, tous les chercheurs qu'on a contactés sont extrêmement enthousiastes à cette idée de pouvoir partager autour d'une pinte de science leurs derniers résultats. D'accord. Et alors, dans la soirée, il va y avoir... Donc, dans chaque soirée, finalement, puis dans 2 lieux, donc il y a 6... 6 conférences en tout. 6 soirées. Mais, et dans chaque soirée, il y a 2 intervenants. Les intervenants, donc ça fait beaucoup de sujets qui sont abordés. Exactement. Ouais. Donc comment que ça se déroule? Est-ce que il va faire sa conférence, la personne va faire son conférence, on pose quelques questions, comment ça va s'enchaîner tout ça? Alors, pour faciliter les échanges justement. Oui, alors on regroupe finalement quand même nos deux interventions sous des sous-thèmes pour que la soirée soit assez cohérente en elle-même. Mm-hmm. Les gens vont pouvoir choisir finalement chaque soir, le 23, le 24 et le 25 mai, entre deux sous-thèmes différents. Et on anime cette soirée, c'est-à-dire que entre les interventions des chercheurs, les séances de questions du public, on va aussi, au niveau du comité d'organisation, organiser des petits jeux, des petits quiz, mm-hmm. avec plein de lots de surprises à gagner, mm-hmm. pour que tout soit une soirée en soi. Ludique. Voilà, finalement. De façon complètement ludique et pas une seule ou en fait deux petites conférences qui s'enchaînent et qui n'ont pas de lien entre elles. Ça va vraiment être une soirée. Donc il y a comme un jeu, un quiz entre les deux. Exactement. Tu disais qu'il y avait des lots à gagner. Il y a quelques petites surprises oui. à gagner. Ah, et on a des partenaires qui nous ont offert des places, notamment pour l'Aquarium de Québec, ouais. le Musée de la Civilisation. Ah. Et puis nous, de notre côté, on a quelques petites surprises. Ah oui, ouais. Intéressant. Comment ça se passe pour organiser un tel événement? Parce que c'est quand même du travail ici, donc trois endroits différents. Ça fait beaucoup de chercheurs. Il y a combien au total? Il y a 12 chercheurs, donc. Oui, il y a même un peu plus parce qu'on a certaines conférences où on a des chercheurs qui co-présentent ensemble sur des projets communs. C'est beaucoup d'organisations. Pour les thèmes planétaires et neurosciences, nous, on a deux équipes entre 5 et 10 personnes chacun, mm-hmm. Pour contacter les chercheurs, pour mettre en place les animations, contacter les bars. Mais en plus de ça... Pinte de Sciences, c'est un festival international, ouais. comme je le disais, qui existe depuis 3 ans et qui, du coup, a déjà toute une organisation en soi, avec un site internet officiel. Il y a aussi l'organisation à Montréal, mm-hmm. qui était responsable de tout ce qui était communication, rassemblement de fonds et de financement pour pouvoir faire certains goodies qu'on va pouvoir offrir aux soirées, pour pouvoir faire la promotion sur Facebook, sur Twitter. Mm-hmm. Donc finalement, c'est assez organisé comme, mm-hmm. comme événement et hiérarchisé. Mm-hmm. Voilà, et puis... Mais qui c'est qui prend en charge? Parce que toi, finalement, Carole Bastinelli, je crois qu'il y a aussi ta collègue... Marine Tournissac, c'est ça. Voilà. Donc, vous êtes étudiante, vous êtes... Ah oui, alors, c'est que des étudiants qui s'occupent de ça, majoritairement en doctorat et en post-doctorat. Ouais. Moi, je suis en doctorat au Centre de foresterie des Laurentides en foresterie, donc il y aura une soirée réservée aux forêts. Et puis Marine, elle est en neurosciences, donc elle s'occupe du thème des neurosciences. Ouais. Et c'est chacune, on a réussi à rassembler des équipes d'étudiants pour, pour organiser le tout. D'accord. Donc maintenant, si on veut voir le programme de toutes ces conférences qui vont être données au Cercle et à la Linkasi, on fait quoi? Alors, plusieurs possibilités. Ouais. La première, c'est de se rendre sur notre site internet officiel qui est... Pint of Science, parce que c'est anglais, P-I-N-T of Science.ca. Okay. Parce que ça part, en fait, ça émane d'où? Ça part des États-Unis? C'est 2013 en Angleterre. En Angleterre, c'est parti? Oui, c'est parti en Angleterre, et puis ça a colonisé un petit peu l'Europe, puis là, ça arrive États-Unis, Brésil, Canada. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Donc, Pint of Science.ca, ou alors notre événement Facebook. Ah. Il suffit de chercher dans Facebook Pint of Science Québec, ouais. et on tombe tout de suite dessus. Sur les... D'accord, donc voilà. L'offre finalement. Voilà. Si je peux ajouter une toute petite précision, sur ces deux endroits, vous allez trouver des liens pour vous inscrire sur Eventbrite. Ouais. C'est un événement complètement gratuit, mais pour garantir des places, au cas où il y ait une telle affluence ouais. et qu'on ait quand même un nombre de places limité, puisque les bars, ça reste assez petit. Pour garantir des places, on demande aux gens de s'inscrire sur Eventbrite. Ouais. Si jamais ils ne sont pas inscrits, ils peuvent toujours venir en fonction des disponibilités. On laisse entrer les gens jusqu'à ce que ça soit complet. D'accord. Mais sinon, bon, c'est gratuit, sauf que bon, on consomme sur place. C'est complètement sûr, gratuit. Les consommations sont aux frais des participants, sauf peut-être surprise. Ah, ah. Et puis, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, mettons le décalage horaire à part, mais il va y avoir Donc au Canada, est-ce qu'il y en a ailleurs au Canada qu'au Québec? Il y a Montréal et Sherbrooke, mais la première édition arrive au Québec pour l'instant. D'accord, voilà. Mais sinon il va y avoir donc en Grande-Bretagne, à Paris, à Madrid. Alors l'Espagne, je ne me souviens pas, il faudrait que je regarde. Ouais. Je sais qu'il y a, Brésil. Il y a le Brésil, il y a 9 pays. 9 pays. Et puis par exemple en France, je crois qu'il y a plus de 11 villes tellement ça marche bien, les événements sont déjà complets pour certains thèmes depuis plus d'une semaine. Donc il va y avoir comme une sorte de communion internationale lundi, mardi, mercredi pour aller rencontrer les chercheurs dans les bars. C'est exactement ça. C'est vraiment 3 jours qui sont dédiés à ce festival qui a lieu tous les ans. Et puis on espère vraiment que ça va bien démarrer au Québec pour élargir au reste du Canada et puis perpétuer l'événement tous les ans. Eh bien, alors, on va souhaiter bonne chance à Pinte de Science, puis encourager les auditeurs qui ont soif de science d'aller s'abreuver lundi, mardi, mercredi au Cercle à la Ninkasi. Ben, absolument, vous serez les bienvenus, on vous attend nombreux. Alors, merci beaucoup, Carole, et pour en savoir plus, on tape Pinte of Science sur un moteur de recherche, on choisit la ville de Québec, puisqu'on est à Québec, et on choisit comme ça notre soirée, les thèmes qu'on veut aller écouter. Merci beaucoup, Carole. Exactement, merci Valérie. Donc, nous étions en compagnie de Carole Bastianelli qui est étudiante donc et coordinatrice de ce festival Pinte de Science.